Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes, nous sommes le vendredi 3 avril, il est 10h03 exactement. Bonjour Kéman. Bonjour Chloé, bonjour Dougo. Dougo. Ah bah on tente des trucs, c'est vendredi, on tente des surnoms, des colibets. Ça va Doug? Ça va. Ça va vraiment? De la reconstruction aujourd'hui. Le temps de la reconstruction tu dis? Oui. Et pouvez-vous nous en dire plus peut-être? Il y a une raison à ça? J'ai un petit peu picolé hier soir. Et ça se ressent un peu aujourd'hui. Mais en vrai, ça va. Ce qui est pas mal, c'est qu'on se désynchronise sur les moments un peu de souffrance. Enfin, quoique hier, vous nous avez un peu abandonné une partie d'émission quand même, dans notre souffrance matinale. Mais aujourd'hui, nous sommes là avec vous et nous vous soutenons, Doug. Oui, parce qu'on a bien dormi. Et on est en pleine forme aujourd'hui. Ouais, j'ai pu aller faire mon caca matinal, tout se passe très très bien ce matin. On a lavé nos draps. Voilà, mais cette matinée commence... Franchement, on est actifs aujourd'hui. Voilà, vous imaginez même pas. Alors, également aujourd'hui, c'est la journée internationale du hockey sur glace. Yes. Alors, voilà, à vos crosses. Allez, ça part. C'est parti. Non mais c'est vraiment tout, il y a vraiment, c'est incroyable, hein. Depuis que je fais l'éphéméride, je découvre des journées internationales, c'est fou. Ouais. Aujourd'hui, vendredi 3 avril, on souhaite également une bonne fête au Richard. Ah bah j'embrasse le beau-frère, moi j'embrasse mon beau-frère, futur papa d'ailleurs, un gros bisou à Richard, qui nous écoute certainement pas d'ailleurs. Moi j'embrasse très fort Richard Berry, ça n'étonnera personne, mais je lui fais un gros bisou au petit Richard Berry, voilà. Damien, peut-être un Richard à qui t'as envie de dire bonjour? Ouais, j'allais penser à Théo Richard. Hein. Ah bah ouais, bonne fête. Eh bien, ça s'est passé un 3 avril 1882, c'est Robert Ford qui tue Jesse James. 3 avril 1942, c'est la publication du poème Liberté de Paul Éluard. On peut avoir un peu plus de contexte quand même sur les infos là, parce que pour les gens, pour les non-nommés, Robert Ford tue Jesse James, ça parle pas forcément à tout le monde. Eh ben ils vont googler. Ok. Eh ben voilà. Vous avez fait les malins, vous avez peut-être dit que vous alliez apprendre des trucs aujourd'hui, ben allez vous faire cuire le cul. Alors en vrai, quand c'est des trucs sur l'histoire médiévale, moi je peux vous détailler, y'a pas de problème. Après, le reste. C'est une histoire de western, hein, pour faire simple. C'est un gentil qui a tué un méchant. Ou l'inverse. Comme dans toutes les histoires de western, de toute façon, tout le monde est un peu gentil, tout le monde est un peu méchant, c'est dégueulasse. C'est le Far West, quoi. C'est finalement les commentaires du forum 18-25 ans aujourd'hui. Voilà, pour avoir un comparatif en termes de violence. On en est là, quoi. Ou les commentaires sous les vidéos YouTube de Grégoire qui chante dans les Gareth NCF. Alors, 3 avril 1973 également, Martin Cooper de Motorola passe le premier appel depuis un téléphone mobile. Voilà. Ouais, putain la vache. C'était en 73. 73, et depuis, les Motorola n'existent plus. Hein. Exactement. Vous savez, c'était ces petits téléphones à clapet, là. Il faisait « Hello, Moto !» C'était la piste, c'était ça. Voilà, si vous voulez des pubs... Et Damien, vous voulez rebondir sur cette pub? Non, là, j'arrive vraiment pas à trouver quelque chose. Putain, vous êtes vraiment des sales bâtards. Vous êtes durs, hein, ce matin avec moi. Donc voilà, c'était un 3 avril. Sinon, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, comme Nora, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Nora, bon anniversaire. Tu partages ton anniversaire avec... Nora Hamzaoui? Non, Nora Alopé. Ah oui. Tu partages ton anniversaire avec. Elle est sur le forum, Nora? Je sais pas. Si elle nous écoute, peut-être. Ouais. En tout cas, vous pourrez lui dire qu'on lui a souhaité un joyeux anniversaire. Voilà. C'est l'anniversaire de Marlon Brando aujourd'hui. Ah yes. Marlon Brando qui était très très très très très beau gosse quand il était jeune et après il est devenu très très obèse et très très alcoolique et diabétique et tout ça. Alors Marlon Brando jeune, oui. Marlon Brando vieux, moins. Oui. Surtout quand il abuse un petit peu, enfin en tout cas qui fait croire, comment dire, cette scène de, enfin c'est quel film de... Dernier Tango à Paris. Dernier Tango à Paris, voilà. Ouais, alors ça c'est du glauque, hein, mais c'est ce que du le cinéma américain peut nous offrir de manière très régulière. Hein, c'est avec le réalisateur qui était... j'ai plus comme ça. Je l'ai pas là. Ils n'ont pas prévenu l'actrice principale qu'ils allaient jouer une scène d'agression sexuelle. Ce qui fait, bah, pour donner un rendu plus réaliste, hein, vis-à-vis de l'actrice, et évidemment, du coup, bah, elle a été terrorisée et traumatisée par cette scène, parce que vous avez un Brando qui est quand même déjà un peu bah, bien bedonnant, qui est plutôt jeune, et voilà, qui lui saute dessus, quoi, sans l'avoir prévenu, sans avoir travaillé, répété la scène auparavant. Voilà, alors c'est donc Dernier Tango à Paris, avec Maria Schneider. Ah, c'est Maria Schneider, et c'est un film de Bernardo Bertolucci, voilà. Voilà. Donc voilà, hein, encore une fois, les histoires magnifiques du cinéma américain, hollywoodien et du cinéma en général, voilà. Oui. Comme on en peut en faire malheureusement encore très souvent, puisqu'on donne encore des récompenses à ce genre d'individus aujourd'hui. Exactement. Ça dénonce. Nous, on aime ça, nous, dénoncer. On n'est pas des hollywoodiens. Ouais. Comme ça, notre quinzaine d'auditeurs en sortira grandi. Exactement. Eh bien, aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de Helmut Kohl. C'est également l'anniversaire de... Qui est Helmut Kohl, ancien chancelier allemand. C'est celui qui a donné la main à Mitterrand, là, sur le mémorial. Exactement, sur le mémorial. Qui a donné la main à Mitterrand. Ah, un grand moment d'émotion. Celui à qui il a fait un zotch. Oui, il a zotché qui? Attendez, c'est quoi un zotch? Un zotch, un petit bisou. Un smack. Ok. Un smack, ouais. Mais quand on a fait Carnaval dans le Caire, on dit un zotch. Ok. En tout cas, il faut remarquer que des gestes comme le zotch et le donnage de main, dans le contexte où on entre aujourd'hui, ça ferait pas du tout le même effet. Hein, clairement, ça serait vécu comme un acte terroriste. Bisous du coude. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire d'Alec Baldwin. Alec Baldwin, grand acteur, hein, que vous avez notamment pu voir dans un de ses premiers rôles, Beetlejuice, de Tim Burton. Excellent. Ouais. Je vous le conseille. C'est également l'anniversaire de Eddie Murphy. Doug, une petite imitation de la voix française d'Eddie Murphy peut-être? Non, alors tout à l'heure j'ai essayé de le faire quand on était hors antenne, on m'a traité de raciste. Non, c'était super. Pas. Mais vous savez bien qu'on adore le racisme, voyons. C'était un compliment. Ah, c'est le fameux racisme positif. Parce que moi je ne cautionne pas ça. Pourtant vous êtes marié. Comment? Oh non, Chloé a parlé en même temps, on n'a pas. Tu me prends pour qui? C'est horrible. Oh, ça flingue. Incroyable. On se croirait dans les années 80. Ah la vache. Bah, genre, ouais, ça, c'est l'âne, quoi. C'est l'âne de Shrek, finalement. Hein. Oui, c'est vrai, c'est l'âne de Shrek. C'est également aujourd'hui l'anniversaire de Clotilde Courau, actrice française. Les princesses maintenant, non? Princesse, elle est mariée avec le descendant, enfin l'héritier de la couronne d'Italie. Emmanuel de Savoie, un truc comme ça, je crois. Ah ouais, ouais. Ça commence en italien, Emmanuel, ça finit en français. Emmanuel Secondo. Emmanuel Secondo de Savoie. Ok, mec. Ho studiato l'italiano per 5 anni, ma non posso ricordare niente. Macarena. Alors, bon, bref, c'est également aussi et aujourd'hui l'anniversaire de Benjamin Morgan, je sais pas comment on le prononce. Si, c'est ça, Morgan, je crois. Compère de Michael Youn et de Vincent Desagna Morning Live. Voilà, attends, c'est quoi leur film déjà, mince, Les 11 commandements, tout ça, voilà. Ouais. Fatal, je sais pas s'il est dans Fatal, lui, mais... Alors, aujourd'hui, c'est également l'anniversaire du chanteur Grégoire. Ah bah tiens, voilà, quand on parle du loup... Ah mais merde, si j'avais su, on s'en serait mis la petite reprise d'Oasis. Non, là. C'est pour ça que je vous l'ai pas dit. So darling, can't wait, she knows it's too late. Googlez, YouTube... ça se dit YouTube? Bon, googlez sur le YouTube, Grégoire, Oasis, SNCF. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez passer un moment délicieux. Ah, c'est pas ma cam qui dit afin de l'amore comme une chatou. Oui, Elsa, on va la passer. Ah, mais oui, un c'était jour. Ce truc-là. Oui, on va clairement la passer. Comme... Et puis c'était après. Afin de l'amore comme une chatou. C'est lui qui va nous aller ta voix. Bon, bref. Mais Grégoire, c'est dommage. Ouais, voilà son anniversaire. Aujourd'hui également, l'anniversaire de Kobe Smulders. C'est Robin dans How I Met Your Mother. Elle est pas aussi dans. Oui, Damien? Non, non, je faisais parce qu'au début, je voyais pas qui c'était. Oui, Comis Nunners, comme ça, ça savait pas. Elle est pas dans des Avengers aussi un peu. Elle est aussi dans des Avengers, ouais. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de. Le fun fact pour les fans de I Met, je sais que vous aimez bien ce genre de fun fact, alors je me permets de vous poser la question. Avec qui sort-elle pour. Elle sort avec un mec du SNL. Elle sort avec un mec du Saturday Night Live. Qui joue aussi dans I Met, d'ailleurs. Qui joue aussi dedans, oui, il fait un des collègues de. Gary Bloman. Ouais, il fait un des collègues Gary de Bloman. Marshall. Qu'on voit dans la dernière saison aussi, là, dans le truc du mariage, Gary Bloman, ouais, c'est bon. Mais d'ailleurs, si on veut parler des couples de des conjoints, allez-y, j'adore, c'est là-dessus que je voulais vous lancer. Le mari de Lily, dans la série, celle qui fait Lily, il fait un Sandy Rivers. Sandy Rivers, qui est co-présentateur avec, du coup, Robin au JT, et le mec de Neil Patrick Harris, c'est Scooter, c'est le mec qui joue Scooter, l'ancien petit ami de Lily dans la série. C'est son, voilà, son époux. Voilà, pour les petits fun facts, How I Met Your Mother, qu'on vous conseille toujours, hein, c'est toujours très agréable de s'en mater quelques-uns. Aujourd'hui, 3 avril, c'est également l'anniversaire du rappeur Nekfeu. Désolé pour tous les fans de Nekfeu. On ne vous ne passera pas de Nekfeu parce qu'on on va faire une émission un peu spéciale aujourd'hui. Mais le cœur y est. Voilà. Pas pour moi, personnellement. Bah, mais moi, un peu quand même, sur certains titres sympas. Et aussi au niveau aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Paris Jackson, la fille de Michael Jackson. Voilà, c'est tout pour les anniversaires. Ok. Mais le plus important de notre journée, c'est qu'aujourd'hui, vendredi 3 avril, avec Kéman et plusieurs personnes également dans les bons coins, hein, je le sais, on devait aller voir Voyou ce soir à Nantes au Stéréolux. Nous sommes tous très tristes de ne pas avoir pu le voir. Donc on va s'écouter du petit Voyou pour commencer la journée. On s'écoute laquelle, Kéman? Bah on va écouter les 3 loubards, parce que c'est notre préf. Voilà, et comme ça on va compenser cette frustration de pas les voir en live, et ça part avec les 3 loubards. Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache 3 drôles de garçons. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'était lancée. Paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loubar? J'en sais rien, c'est le jeu. Je vais pas raser les murs. Ils m'ont pris mes baskets, ma veste, mes cigarettes. Pendant que je restais sur place, sans un mot, sans un geste, et l'air désabusé. Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit. En la rejouant me venaient quelques réponses bien senties que j'aurais pu lancer sans peur aux 3 voleurs, quitte à se faire amocher. Autant dire ce que ça fait. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raquer un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Sors bien les violons, ils vont me rendre mon blouson. Peut-être même mon téléphone, je récupère mes affaires et je leur file ma monnaie. Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache 3 drôles de garçons qui en veulent à mon blouson. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loupard? J'en sais rien, c'est le jeu. Je vais pas raser les murs. Ils en veulent à mes baskets, ma veste et mes cigarettes. sans amour, sans un geste et l'air désabusé. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raquette un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. J'ai sorti les violons, ils m'ont rendu mon blouson. Et même mon téléphone, j'avais toutes mes affaires, je leur ai filé ma monnaie. On est de retour dans la matinale des bons cons. Nous ne sommes plus que trois désormais dans le studio. Chloé, vous nous présentez notre invité ou... Ah putain, je comprenais pas de qui tu me parlais. Je regardais le chat, je me disais. Ah oui, non, si, c'est vrai qu'il y a le chat. Il y a Malo qui est là. Non. Ah oui, alors notre invité du jour est en ligne avec nous, c'est Antoine. Antoine, comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Ça va nickel. Alors Antoine, dites-nous tout, comment nous connaissons, qui êtes-vous, présentez-vous pour nos auditeurs. Déjà, où est-ce que je suis, vu qu'on est en mode confinement là, où est-ce que moi je suis confiné, je suis à la campagne, dans le Marais Poitevin, entre Niort et La Rochelle, pour faire gros, à Saint-Hilaire-la-Palue. Alors on a des grands fans du Marais Poitevin, je préfère vous prévenir. Ok, bon bah s'ils connaissent Saint-Hilaire-la-Palue, c'est ouf. Parce qu'il y a quand même pas grand monde ici, en fait, confinement ou pas, en fait, le temps est un peu arrêté ici, donc je vous avoue que je vous avoue qu'on est pas mal. Moi, j'ai des champs autour de moi, on est dans une grande maison où ma chérie a grandi, donc là, je suis avec ma chérie et sa mère, en fait, et du coup, j'ai emmené des instruments avec moi, et puis j'étais censé bosser pour le taf. Mais le premier jour de confinement, en fait, à 14h, mon boss m'a appelé et m'a dit « Bon, bah, tu seras en chômage total jusqu'à la fin du confinement. » Donc, en fait, je bosse même pas, je fais que de la musique, en fait. Voilà. La belle vie, quoi, en fait, hein. Dans la campagne, avec du matos de musique. Ouais, je suis bien. Bon, on s'est imposé quand même un rythme un petit peu... Enfin, pour garder un peu le rythme que j'avais sur Nantes, donc le veto. Moi, je fais mes petits exos... à la batterie, puis on fait du sport, et puis on prépare à bouffer, re-exercice l'après-midi, et puis le soir fait apéro, et puis je me rattrape mon petit retard au niveau de tous les films que j'ai ratés ces dernières années, avec le cinéma et l'histoire de prix. Voilà, donc un petit rythme soutenu, mais bien, et puis je bois pas d'alcool de la semaine, ça c'est un truc de ouf. ça faut que je le partage avec vous, c'est que je me suis dit lundi dernier j'arrête de boire de l'alcool en semaine. Et là on est vendredi, c'est apéro ce soir, donc là ça va être cool. Alors il y a sur le chat, ça commence, il y a Jean-Jean qui nous demande quel Antoine êtes-vous. Quel Antoine je suis? Antoine déconneur, je sais pas trop. Kevin, t'en penses quoi? Eh ben je dirais que c'est un Antoine breton, très souvent un marinière, ouais. À cheveux frisés. Voilà. Plutôt de taille standard, très vif, très réactif, très énergique. C'est un standard, c'est un Antoine qu'il faut nourrir avec des aliments très spéciaux parce qu'il faut allier un régime alimentaire avec un besoin de se dépenser qui est assez intense. C'est vrai, moi-même je l'ai vu en séance de sport. Au body pump. Au body pump. C'est impressionnant. J'espère qu'il n'y a pas de photos qui me prennent sans nez. D'où j'étais en train de crever, comment j'aurais pu prendre une photo de toi? T'avais anticipé la matinale en fait des bons cons, et j'ai dit hop, ça balance. Elle avait prévu le confinement. Alors c'est Antoine, alors pour ceux qui ne connaissent pas Antoine et qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à visualiser cette personne, Antoine est le batteur du groupe de Kéman, Waze Weaver, voilà. Allez voir les petits clips, vous pouvez voir la personne qui est là à la batterie, c'est lui, quand nous avons au téléphone. Le petit bouclé, c'est moi. Non mais les boucles, c'est la vie d'Antoine, on est d'accord. Du coup, Jean-Jean... Ça commence à tourner un petit peu en muet, là, mes cheveux, là, c'est un peu dégueulasse. Ah ouais, cure de sébum. là, franchement, pas de coiffeur. Là, s'il reste encore 3 semaines, vous allez pas me reconnaître à la fin du séjour. Hein. Ça ressemble à Rambo dans la meilleure période de sa vie, là. Ça va être un peu dégueulasse. Ah, il me tarde de voir ça. Alors, on a des questions pour toi, pour vous, pardon, je dois vous voyez. On est à l'antenne. Alors, à quel âge avez-vous commencé la batterie et avez-vous des tips de batterie pour une débutante? Alors, à quel âge j'ai commencé la batterie? J'ai commencé à 5 ans et demi. Et la deuxième question, c'était quoi? C'est, est-ce que vous avez des tips de batterie pour une débutante? Des tips de batterie? Je sais que sur YouTube, en ce moment, comme je bosse pas mal l'instrument, genre vraiment juste la batterie, genre pas les compos des waves et tout, en ce moment, je vais faire pas mal de tours sur YouTube pour re-entraîner la technique et je tombe sur plein de vidéos de niveau débutant, intermédiaire ou vraiment bon, quoi. Et je sais que les ricains, ils sont assez forts, en fait, dans l'apprentissage de la batterie quand tu débutes. Et je vous conseille, il y a plein de chaînes YouTube, comme Drumeo, par exemple, où tu peux commencer vraiment à un niveau beginner et puis les gars, ils disent, en gros, les 4-5 rythmes de rock classico pour un batteur débutant. Et puis c'est gratuit sur YouTube, faut aller checker ça, c'est bien, bien foutu. Ils sont forts, ces ricains. Ils sont très forts, ces ricains. J'ai quelque chose à ajouter là-dessus. Parce que du coup, en ce moment aussi, j'en regarde pas mal. Et je suis notamment un mec. Et il y a quelques mois, il avait sorti une énorme vidéo où en fait, c'est un peu une routine pour s'échauffer les mains. Et c'est assez rigolo parce que c'est sur Uptown Funk. Et en gros, tu as une série d'exercices à faire en rythme dessus. Et il est vraiment rigolo. Donc, il y a pas mal de vidéos. Ouais, c'est vrai, c'est cool. Ouais, ils sont assez forts, les gars. Après, moi, je t'avoue, je fais ça en mode. Je fais pas ça sur la musique, là. Je me fais vraiment mes échauffements en mode. Pour gagner en rapidité au niveau des mains, donc la technique, différentes techniques au niveau des poignets, au niveau des doigts, un truc comme ça. Donc, avec un gros métronome et petits tips de batteur, je me mets le dessous des cartes d'Arte sur YouTube en face de moi. Et du coup, pendant 30 minutes, je m'entraîne et je regarde le dessous des cartes, je me fais un petit peu ma culture géopolitique du moment. Voilà. Ça, c'est un vrai type de batteur professionnel, ça, dessous des cartes de la tarpée. Ah, bah ça, c'est une valeur sûre, hein. C'est super vidéo d'ailleurs. Effectivement, si vous voulez faire votre culture géopolitique, même histoire, c'est assez intéressant. Ouais, je me fais ma petite culture comme ça et c'est pas mal. J'ai l'impression que la Chine va nous bouffer bientôt, mais c'est pas mal. Alors, est-ce que du coup, la batterie le matin, ça fait partie de votre morning routine, Antoine? Ouais, bah en gros ma morning routine c'est lever entre 8h30 et 9h, petit déj, tu vois, jusqu'à 9h30, bon là je suis en mode starlet, la radio ce matin, donc ça m'avait un petit peu perturbé ma routine, mais en gros pour 10h je m'entraîne et tout, et vers 11h30 je fais du sport, et puis l'après-midi, bah du coup, soit je compose avec les autres machines que j'ai ramenées, des petits synthés, tout ça, soit pareil, je me réentraîne, on rentre dans la batterie. Mais ouais, j'en fais aussi le matin. J'essaye de pas trop casser les pieds de tout le monde dans une grande maison, donc normalement ça le fait. Bon bah super. Donc je précise. Alors on précise aussi sur le chat. Doug est batteur. Doit-on le préciser? Je pense que vous aviez compris vu la. Ouais. La discussion que vous avez eue. Puis la teneur de la discussion. Exactement. Moi, si je peux me permettre, juste vous parliez de ce que vous pouvez rattraper là en termes de films et de séries. Et je sais que vous êtes confiné avec votre chérie là actuellement. Est-ce que ça veut dire que vous avez fini BoJack Horseman? On a fini BoJack Horseman. Voilà, bon, on va avoir des discussions à voir. Je crois qu'on va pas se poser nos auditeurs, mais non, on a déjà fini il y a quelques semaines avant le confinement, je crois. Ouais. Non, là on est en train de finir Better Call Saul. Ah. Saul Goodman, Breaking Bad, le spin-off. Et puis j'ai regardé des films que j'avais jamais vus en fait, comme Cette Vie ou Mud ou trucs comme ça. Mais on n'a pas trop le temps de mater des séries parce qu'en fait Lauren, elle bosse, donc Lauren ma chérie, elle bosse son mémoire et puis elle est le mardi et le jeudi elle est quand même en stage en télétravail, donc en fait il y a que elle qui bosse en fait, que sa mère et moi on est en mode tranquille. Ouais. Il y a une question de Madame Mona qui demande, est-ce que, de par votre statut de batteur, vous êtes capable de monter des blancs en neige à la main? C'est une très bonne question. Je ne l'ai pas fait depuis un bout de temps, mais je pense que je me suis vachement amélioré. Mais j'essaierai de faire ça. En fait, là, on est parti, on va faire les courses aujourd'hui, là, parce qu'il n'y a plus rien dans le trio. Alors, on veut j'espère pouvoir m'exécuter. Ouais. Ah oui, est-ce qu'on veut un point blanc en neige avant la fin du confinement? Avant de prendre des questions, on va s'écouter un petit peu de musique, une petite musique. Oui. Voilà. Bon, on va s'écouter votre composition que vous nous avez envoyée, Antoine, sous le pseudonyme de Drumroll. Et ça s'appelle Doudou, ce qui, si je dis pas de bêtises, est le petit nom mignon que vous donnez à Lorraine, c'est ça? Alors en fait, c'est surtout elle qui m'appelle comme ça. Ah, voilà. Moi, je l'appelle comme ça aussi. Et en fait, petit truc, petit élément important pour comprendre un petit peu la chanson, pour ceux qui sont pas spécialement calés en anglais, être doudou en anglais, ça veut dire caca. on adore ce sujet. Elle m'a dit ça hier récemment, et on s'est dit, vas-y, on fait une chanson là-dessus. Parce qu'en fait, elle est franco-américaine, donc on va aller au States cet été. Et du coup, là-bas, faudra pas qu'on s'appelle doudou dans la rue, parce que ça veut dire caca, donc c'est pas ouf. Donc voilà, vous avez tous les éléments pour écouter cette formidable chanson. Excellent. Eh ben, on se l'écoute tout de suite. Merci pour cette contextualisation. To call each other doo-doo, but in reality, doo-doo means poop in English. Is it a true act of love to call your lover poop? Is it brave? Is it outrageous? Is it cute? All I know is that doo-doo, my poop, I love you. Matinale, il est 10h32, nous sommes toujours avec Kéman et Doug et Antoine. Alors Antoine, bravo hein, pour la chanson, parce qu'on a, on a des retours. Jean-Jean qui nous dit qu'il faut ajouter cette chanson à la playlist. Lo Samuel qui dit waouh, trop bon comme son. Donc voilà, des gens aiment. Les gens apprécient. Très bien, merci à vous. Ah bah, si tu nous autorises, on pourra, si vous nous autorisez, pardon, on pourra la rajouter dans la playlist qui tourne quand on n'est pas en direct. Ah bah ouais, avec plaisir, carrément. Bah, on va faire ça. C'est pour ça. Et c'est une track qui est sortie sur une playlist du label confiné e-record. Enfin, label, c'est un grand mot, mais je sais pas si vous connaissez ça, c'est un espèce de groupe... Un groupe d'artistes nantais qui chaque jour sort une compile de 19 titres en fait d'artistes de toute la France, et n'hésitez pas à aller checker ça, s'appelle Confiné e-record. Voilà. Ouais, bah ouais, tous les jours sur YouTube, hein, aussi, ok, nickel. Il y a Fierce d'ailleurs que j'ai vu qui avait aussi sorti un morceau qu'on devait voir ce soir en première partie de Voyou. Ouais. Donc voilà. J'ai vu les snow hier, moi, à 18h, je sais pas si vous avez regardé. Ah, ça. Purée, mais merde, j'ai loupé, moi, ouais, c'était cool. Ouais, c'était cool, ouais, carrément, ils étaient deux. Voilà. Donc, pour nos auditeurs, cool. Les Sneux, c'est le chanteur des Slow Sliders, groupe nantais qu'on écoutera plus tard dans la matinale, qui a son projet solo qui a très bien tourné, puisqu'il a fait la première partie de Miosec dans pas mal de Zénith, qu'il a enregistré dans le studio de Thomas Fersen à Wesson, c'est son dernier album. Donc, voilà, ça, c'est un artiste de chanson française qui risque de bien exploser dans les prochaines années. Ouais, ça défend. Donc voilà, n'hésitez pas à checker les sneux, comme les sneux 20. Voilà, L-E-S-N-E-U. On a d'autres questions pour le sieur Antoine ? Alors, je crois que j'en ai vu une plus haut. Alors, faut que j'arrive à la faire. Comment tes colocs actuels vivent le fait d'être bloqué avec des... tout le temps. Voilà. D'accord, avec des bâtards. En fait, c'est un peu particulier, mais là, je suis dans une énorme baraque qui faisait avant maison d'hôte. Donc, il y a une petite dizaine de chambres, il y a plein de salons un peu partout, c'est énorme. Moi, je me suis mis dans une chambre vraiment tout au fond. Où il y a au moins 15 portes avant d'accéder au salon, donc normalement j'embête personne. Ah, ah ouais, vous pouvez au plus vous permettre de faire du bruit. Tu dois bien taper, quoi. Voilà, c'est ça. Après, je mets quand même des espèces de petites couvertures sur les tomes pour pas que ça fasse un peu moins de bruit. Donc. Ok. Alors, on a une dernière question, c'est une question de Jean-Jean qui dit: vous êtes quel signe astro, Antoine? Moi, je suis Lion. Vous connaissez votre ascendant? Lion aussi. Lion, ascendant Lion. Ouais. Waouh, personnalité explosive. Pas étonnant que vous fassiez de la batterie. C'est ça. Merci Antoine d'avoir été avec nous pendant cette matinale. C'était un plaisir, merci à vous, merci à tout le monde d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous renvoyer vos autres compositions, hein, on se fera un plaisir de les passer. Les œufs en neige, il faudra que je fasse pas aussi. Ah oui, on veut un retour. Alors, si vous êtes chaud, même un tuto blanc en neige, on le passera avec plaisir sur la radio des bons cons pour le coin cuisine. On va lancer le blanc en neige challenge. Ok, ça va. Ok, ça va. Bon, moi, j'y pense et puis je vous fais ça. Merci Antoine. Reprenez bien votre tour. Bonne journée. Ciao. Et nous, en attendant... on va s'écouter, on fait de l'autopromo ou pas? Moi ça me met un peu mal à l'aise. Moi ça me met absolument pas mal à l'aise, alors je voulais vous parler d'un petit groupe pas piqué des hannetons. Bon allez. Que vous avez déjà entendu sur cette radio, hein, qu'on aime beaucoup. Didier Chabord, aka DJ Chorba, aka Chorba tout court. En fait, cette personne est un créateur... Un créateur né, j'ai envie de vous dire, cette personne est née pour faire de la soupe. Je veux dire, c'est... Voilà, je ne sais pas comment le décrire. Alors là, il est accompagné par une petite nana qui est franchement vraiment chouette. qui sera connue sous le nom de Bouillon, hein, pour celle-ci. Donc c'est Bouillon et Chorba, avec un titre qui s'appelle « Amande honorable ». C'est un groupe nantais. Un groupe de la scène nantaise. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous n'écoutons que du 100% nantais, du 100% local. En hommage à ce concert de voyous qu'on aurait dû voir et que Facebook nous rappelle tous les jours de la semaine et qui devait se tenir ce soir. Voilà. C'est parti ? C'est parti. Ça compte pas gros. l'histoire de mes déboires dans le tramway, où je suis monté sans acheter de ticket. Mais qui voilà les contrôleurs. Je vais raquer, je sais pas combien je vais payer, mais plus d'un euro cinquante, c'est sûr. Je l'ai mauvaise. Ce blizzard. Vous êtes toujours sur la radio des bons cons. Waouh, c'était vraiment un super groupe. J'adorais. Franchement, j'achète. Hein. Direct. Je ne commenterai pas. La pudeur m'oblige à exercer mon droit de réserve. Ça n'a aucun sens. Ça a le sens que je veux que ça ait. Alors, je tiens à préciser. Alors, c'est Loyo qui nous dit : je tiens à préciser que l'amende est passée à 65 euros depuis juillet dernier. Alors, c'est faux, Loyo. Puisque j'ai moi-même pris une amende de 55 euros. Bah, la veille de l'écriture de cette chanson, tout exactement, simplement. Ouais, voilà. Il faut être honnête. Et ça, c'était il y a deux mois. C'était fin janvier, début février. Ouais, donc, non, c'est peut-être parce que je n'ai pas contesté l'amende, parce que je n'avais en effet pas de ticket. Et que donc j'ai payé directement, que j'ai payé que 55 euros. Peut-être que si. Il y avait vous le ticket payez... pas composté. Il y avait non, mais même, ils m'ont dit que ça ne changeait rien. Ok. Donc, il y avait une promo sur les amendes. Non, mais c'est peut-être que en fait, vu que j'ai payé directement, j'ai pas été majoré, alors que si on paye plus tard, peut-être que là, en effet, c'est plus cher. Mais voilà. Peut-être que la solution serait d'acheter un ticket à ce moment-là. Voilà, ça c'était le point. Alors, ça va, en 50, 50 trams, j'achète pas de ticket, et première amende, franchement... Non, mais bien sûr, ça nous arrive tous. Je suis malin, j'en ai, il y a quelques mois, j'en ai chopé une sur Rennes, donc voilà. Ouais. Bon, bah voilà, bon, enfin c'était le point TAN, hein, TAN, Transport Agglomération Nantaise. Voilà, bah moi, je... bah moi aussi, et j'en ai eu pour 65 euros. Ah et bah, ben, tu l'as à la gueule, à la gueule du client, voilà, j'ai envie de dire, à la gueule du client. Dire, et ça, c'est injuste. Voilà. Un moment. Est-ce que cette chanson peut servir de preuve en cas de contestation? Eh ben, pourquoi pas tenter le coup, voilà. J'ai envie de dire. Enfin, voilà. Mais alors, par contre, n'oubliez pas de nous déclarer à la SACEM hein, pour qu'on touche de l'argent sur cette chanson. Ah oui, c'est vrai que je l'ai fait. Si, j'ai déjà fait, bien sûr, pas de soucis. Ah non, maintenant, on peut pas nous voler cette chanson. Alors... On va parler musique, mais ça va changer un petit peu de d'habitude. Je vais pas faire une Frodon Saké. Glass Wilson est en forme sur le chat. Elle nous a fait un magnifique jeu de mots. Alors, pour cette chronique du coup musicale, on ne va pas s'attarder sur un artiste, mais on va vous présenter plusieurs chansons, plusieurs morceaux de la scène nantaise. Donc on a commencé avec Voyou, qui est lillois, qui est parisien, qui est nantais, qui est worldwide, j'ai envie de dire. Et comme Léo Boiteau, un citoyen du monde. Exactement. Mais voilà, il faut savoir de Voyou, c'est qu'il est joué dans Rum for Pauline, qui était un groupe à Nantais, dont les autres membres sont encore installés dans notre belle ville qui sent bon le sucre et les reliquats de la traite négrière. Le sucre, de toute façon, c'est un reliquat de la traite négrière, on va pas se mentir. Rum for Pauline a écouté. D'ailleurs, il a aussi participé lui-même, Voyou, il a fait de la trompette hein, sur un morceau de The Pop-Pop-Pops, qui a été un groupe rené, qui est devenu The Pop-Pop-Pops. Oui, je sais, Voilà, qui s'appelle Hypnotize Me, que je vous conseille d'écouter, qui est très bien. Mais bon, ça, ce sera pour un jour où nous parlerons de la musique rennaise. Aujourd'hui, là n'est pas la question. On a plusieurs groupes à écouter. Bon, on a écouté Bouillon Chorba, ça c'était un peu l'instant auto-pignolage, j'ai envie de dire. On voulait passer du Hocus Pocus, malheureusement on avait un morceau un peu longué, mais évidemment un des groupes les plus installés et les plus connus de Nantes, c'est Hocus Pocus, hein, ça ne nous échappera Hocus pas. Hocus Pocus est dérivé, hein, puisqu'il y a des C2C, il y a... Vincile, ouais, mais C2C, c'est Hocus Pocus et Beta Scient aussi. Ouais, qui, mais ils sont tous du coin, les quatre. Oui, ouais, c'est ça. Et on a également Pony Pony Run Run, qui a eu sa grosse période de gloire, qui était un peu, qui vient d'Angers et qui s'est installé à Nantes. Voilà, ces groupes-là sont super connus, hein. vous pouvez aller YouTube et ça et vous faire un petit kiff. Juste à titre informatif, Chloé, vous vouliez nous passer quoi d'Hocus Pocus? Je voulais vous passer Quitte à t'aimer, c'est extrait de leur deuxième album Place 54, qui est très bien, ils ont fait trois albums, 73 c'est la tournée sur laquelle on les a vus, là, aux Trois éléphants à Laval. 2010, ils ont sorti 16 pièces, alors est-ce que c'était déjà pour cet album-là? Je ne sais pas. En tout ils n'ont pas sorti d'album depuis 10 ans, donc moi ça me fait très mal au cœur. Mais Vinci est toujours actif dans les remixes, par contre. À dans fond. À fond. Et donc, Quitte à t'aimer avec un. Avec. Comment elle s'appelle Evora. Césaria Evora. D'accord. Bon, bah voilà, petite source si vous l'écoutez. C'est ambiance un peu plus chill, un peu plus posée. Plus chill, ouais. Mais de toute façon, ce Hocus Pocus, ça reste assez chill quand même. Très bien, très bien. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça. Vincile a remixé des morceaux du groupe Inuit, donc groupe nantais, le groupe peut-être le plus en vogue actuellement de la scène nantaise. Ils sont 6 sur scène, 5 garçons et une chanteuse, Colline Rio, qu'on adore. Voilà, c'est sur scène, visuellement, on a beaucoup de percus, on a beaucoup de synthé, c'est de la musique électronique à tendance à faire danser. Par exemple, pour leur release party, pour leur concert qu'ils ont fait à l'automne dernier au Stereolux, ils se sont permis une petite reprise de Pump the Jam, pour vous donner un peu une idée. Oh, Pump the Jam, pump it up. Donc voilà, c'est un peu ça le mood. Hein. Ils font régulièrement des DJ sets sur Nantes. Et bon, chacun a leur petit projet solo. Hein. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter Colline Rio en solo. Là, on passe sur de la chanson française, quelque chose très inspiré Barbara. Mais là, on est sur du Inuit, quelque chose qui fait danser. Alors moi, j'ai voulu prendre un morceau un peu à contre-pied de ça, parce que je suis moins dans la musique électro-dansante. Donc j'ai pris un morceau de leur dernier album qui s'appelle « Comment on fait le feu », que je trouvais vraiment très doux, très... très mignon, et c'est une chanson qui parle d'amour simplement, et qui est très belle, et qui, je trouve, met particulièrement en valeur la voix de Colline sur ce morceau. Donc on va s'écouter « Comment on fait le feu » d'Inuit, et ça vient de leur dernier album. Watching my heart, beating your heart. Alors c'était comment on fait le feu d'Inuit. Et oui, on en parlait là en antenne. Donc il y a d'autres artistes hein, plus connus. Et voilà, il y a Hocus Pocus qu'on ne passe pas là. Il y a également, mais il y a d'autres artistes nantais extrêmement connus. On pense à Dominique A. Voilà qu'on ne présente plus. Hein. Voilà. Vraiment. Et il y a, on parlait de Christine and the Queens aussi. Hein, donc Héloïse. Héloïse Le Tissier qui vient de Nantes. Qui pour ma part, on n'avait pas spécialement envie d'en diffuser. Voilà. Non, mais ça va, vous connaissez maintenant. Fun fact inutile, son père était mon professeur de littérature victorienne à l'université et mon directeur de master. Voilà, tout le monde s'en fout, mais je suis content de le dire, c'est ma petite fierté. Voilà. Oui. Voilà, tout simplement, bah, tout simplement. Écoutez, moi je m'en serais vanté aussi, si voilà. Ça n'était pas le cas. C'est lui qui m'a fait aimer Dickens, et croyez-moi, il en faut beaucoup pour faire aimer Dickens. On a quelques interventions de nos auditeurs sur le chat. Alors, des gens qui disent vous pourrez faire une émission spéciale musique dunkerquoise. Alors, moi, j'aimerais beaucoup, mais je suis pas sûr que tout le monde soit chaud. Non, je propose que non, parce que j'ai le sentiment qu'en écoutant ce super remix de Wish a Wish qui passe sur notre antenne, on aura déjà fait le tour. Comment il y en a des. Alors, d'accord. Il y aura donc une matinale galette saucisse, et ensuite c'est marqué Johan Gourcuff, petit cœur. Et oui, on aura une spéciale Rennes, parce que Rennes c'est le berceau de la musique pop indé. S'il fallait que citer Étienne Dao déjà pour vous y attester. Exactement. Et ben, oui. Voilà, c'est fait. On va écouter du Lorenzo. Oh ben. Ah, mais rigole pas, en plus c'est des potes, hein, Gesson qui bosse pour Lorenzo. Et voilà, le mec est très gentil. Voilà, il sort de son personnage une fois sorti de scène. Hein, voilà, faut être honnête, c'est un bon performeur, un professionnel. Mais voilà, il est pas Lorenzo toute sa vie. Ah merde. Ouais, ça casse peut-être le mythe, hein, mais bon, j'espère pour lui, hein, parce que rester bloqué dans Lorenzo, ça doit pas être évident. C'est qu'il y a des... Je lisais encore les autres questions. Pardon, non, c'est pas c'était... ce qu'on avait. Bon. Eh ben, on va enchaîner niveau musique, puisque je ne retrouve pas s'il y a des questions. DJ7, oh, on était sur du jeu de mots. Oui, on était sur du jeu de mots. Ok, très bien. La matinale, qu'est-ce que ça dit ? Oui, j'aimerais beaucoup. Et encore une fois, je ne suis pas seule décisionnaire. Bon, on va s'écouter des autres groupes, hein, donc on reste plutôt sur de la musique indépendante, hein, vous retrouvez ça, c'est des groupes dont vous avez peut-être pas forcément entendu parler, et qui pourtant ont déjà sorti plusieurs albums, en tout cas, c'est le cas de Van Parias, qui a déjà sorti son troisième album, hein, de fin 2019, son troisième album Radio Durance. C'est un groupe vendéen à la base, hein, mais on les accepte en tant que Nantais, parce que de toute façon... Ils sont maintenant basés à Nantes. Oui, maintenant ils sont basés à Nantes, ils répètent à Trampolino. Fun fact. Ah, mais je viens de réaliser. Oui. Mais qu'on n'a pas mis Orange Blossom, alors que pareil, ils sont nantais et c'est incroyablement génial ce que fait Orange Blossom. Et je m'en veux de ne pas y avoir pensé. Pardon. Eh ben, pardon les auditeurs. Van Parias, du coup, qui est groupe vendéen, qui répète à Trampolino, c'est plutôt du gros rock. C'est clairement un yes. des groupes les plus impressionnants à Nantes sur scène. Si vous avez les occasions de les voir, notamment dans la micro du Styrolux, où là, ils jouent à domicile, c'est assez... j'ai pas entendu le nom du groupe, j'ai éternué pile au moment où Kéman l'a prononcé. Van Parias. Van Parias. Voilà, donc c'est vraiment excellent concert, je vous le recommande. Donc la formation, on a un batteur, on a un bassiste, deux guitares, un synthé qui de temps en temps est relégué au rôle de joueur de tambourin. Mais pour le teamwork, c'est comme ça que ça se joue. Et donc un chanteur. Il y a une grande, grande énergie. Ça chante en anglais, c'est très inspiré années 60-70 et alors y a, sur cet album là, un extrait dont je vais vous faire écouter, on est très influencé aussi du Joy Division, premier album post-punk avec des rythmes assez costauds et un truc très énergique. Dans le chant, il y a ce côté un peu punk aussi. En termes de production, c'est produit par Michael Declercq. Le petit nom dans le milieu, c'est Mitch, qui est un des meilleurs ingé-sons qui existe en France actuellement, hein, qui vient de Rennes à la base, qui bosse actuellement avec Justice, avec Royal Blood, avec Olivia, la chanteuse de The Do. Si vous voulez voir un concert sonorisé par lui, bah c'est du caviar pour les oreilles. C'est le meilleur ingé-son qui se fait en France. Donc c'est lui qui a produit ça avec Van Parias, et ça s'appelle Skywalking, et ça donne envie un petit peu quand même de bouger son boulin. Hein. Skywalking de Van Parias. Donc ouais, guitare bien nerveuse, bien agressive. Doug évoquait un peu la similitude avec un groupe des années 2000 qui s'appelait The Dead Sixties, et la chanson c'était Riot Radio. Je sais pas si ça évoque des souvenirs à certains. On est dans ce type d'agressivité en tout cas. On sent que les mecs sont bien nerveux sur leurs cordes. Il y a une espèce de tension. Et d'ailleurs, l'album s'appelle Hidden Tension. Et bah, je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent bien dans les guitares sur ce genre de morceaux. On va parler pour finir de ce qui est moi personnellement mon groupe préféré à Nantes. Alors bon, ce sont des Brestois à la base qui sont venus s'exiler dans une ville où il pleut un petit peu moins, il y a 5 ans. Pour venir répéter à Trampolino, hein. Trampolino c'est l'incubateur des jeunes groupes nantais. Et ils ont sorti un album qui est assez magnifique. On est sur de la pop, hein, pas du tout des histoires de rock. Pourtant, il y a pas, il y a très peu de synthé. On a deux guitares, une basse, une batterie. Et en fait, ce qui nous émeut surtout avec The Slow Sider, c'est la voix du chanteur Victor, donc qui a également un projet solo qui s'appelle Les Sneux, dont on vous parlait tout à l'heure. Les Sneux qui, pour le coup, lui, commence à vraiment se faire connaître tout seul. Hein, c'est ce que je vous disais, hein, première partie de Miosec sur pas mal de Zénith en France. Enregistrement d'un album dans le studio de Thomas Fersen à Ouessant, qui commence un peu à être adoubé par certains noms de la chanson française. Et donc à la base, il fait partie d'un groupe qui s'appelle The Slow Sliders, qui vient, un groupe d'amis d'enfance, qui vient de l'Esnevin. L'Esnevin qui est donc un petit bled de la rade de Brest. D'où le nom de son projet solo, hein, L'Esneux, et deux autres membres du groupe ont créé un autre projet qui s'appelait Vin. Voilà, donc le sens de l'humour à la brestoise. Excusez-moi, je me permets de lire la blague de notre ami Douglas Wilson qui nous dit « L'autre jour, il pleuvait dehors, alors je me suis mis au sec. » Merci. C'est une blague de Finistérois, ça. Donc voilà, The Slow Sliders, s'il y a vraiment un album que je vous conseille d'écouter, c'est leur album Glissade Tranquille. Donc petit voilà, traduction humoristique par rapport à leur nom, The Slow Sliders, qui est très très beau et qui s'achève magistralement avec un morceau qui s'appelle I'm Dead Anyway, qu'on va pas vous faire écouter là parce qu'il dure 6 minutes et qu'il est un peu long. Il y a une version live sur YouTube, voilà, c'est un morceau qui à chaque fois me retourne les tripes en termes d'émotion. C'est à la fois un album avec des passages très enjoués, très rythmés et des moments et des morceaux à cœur ouvert. Il y a un morceau qui s'appelle Empty Days où Victor, sur le refrain, entonne un « I just want to be myself for once in my life ». C'est très simpliste et c'est criant de vérité et d'émotion. Et c'est ce qui est assez fort avec ce Slow Slider, c'est que c'est ce côté un petit peu à cœur ouvert. Et à la fois un peu enfantin, juvénile, on dit les choses franchement sous couvert d'espèces de candeur. Et finalement, ça rend le message très très émouvant. On va s'écouter un de leurs singles de cet album Glissade Tranquille, ça s'appelle It's Hard to Hate. Mais je vous conseille vraiment d'écouter tout l'album qui est globalement assez court, hein, on est sur du 35-40 minutes et qui nous emmène par pas mal d'émotions, nous baladant entre insouciance et un peu grande émotivité et grand chagrin pour finir sur I'm Dead Anyway. Voilà, j'adore, je cautionne, c'est vraiment de loin mon groupe nantais préféré et j'ai eu de cesse que de leur répéter en les croisant bourrés à la sortie du café du cinéma. On s'écoute, It's Hard to Hate. We'll be right back. Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Et voilà. Toujours en direct sur la radio des bons cons. Merci Kéman pour toutes ces informations. Ben ça fait plaisir par la musique, c'est mon dada, comme dirait Omar Sharif. Voilà. Bah oui. On touche du doigt. On touche du bois, on touche du doigt, on touche à la fin de cette émission. On touche à ton cul. On touche à ce qu'on voulait. On a deux rêves. Alors on a deux et puis alors attendez, on a plein de choses en fait. Alors juste avant de lancer les rêves, on vous rappelle que le jeu concours arrive incessamment sous peu, donc avant que dans le temps intermédiaire dans lequel on va raconter les rêves, on va voilà. Allez sur la page Facebook quoi. Voilà, tout simplement, préparez-vous. C'est une photo de notre mère à tous, Pascal Despasco, qui nous a gentiment envoyé son selfie matinal ce matin, donc on la remercie, on l'embrasse. Merci. Notre directrice des programmes nous rappelle qu'il y a un rendez-vous à 13h pour les trottoirs de la Discord et la rediff de la chronique Cinoche d'Hubert Félix Tiffon. Ensuite, vous retrouverez Ophélie à 16h en direct pour le Point Conf. Voilà, qu'est-ce que vous êtes corporate, Chloé. Qu'est-ce que vous faites programmation. Donc oui, allez sur le poste parce qu'il faut, c'est là qu'il faudra commenter, trouver la réponse au film que j'ai vu hier et dont j'ai oublié le nom. Des petits rêves donc. Des petits rêves en effet. Alors nous avons C'est pas ma cam qui dit « J'ai encore rêvé que j'étais l'héroïne d'un spin-off de Matrix. Que faire pour me débarrasser de ces visions nocturnes? J'ai regardé plein d'autres films depuis mais je reste bloquée dessus. » Eh ben moi déjà je dirais faut regarder Le Boulet. Hein. Là, vous allez plus rêver de Matrix. Hein. Je dirais même plus de regarder Le Boulet et le making of. Ah oui, parce qu'on a découvert un making of sur YouTube hier. Oh là là. Ah ouais, c'est assez marrant. Comment? Ça valait quoi? Bah, c'est surtout assez drôle de voir Thomas Langman, là, qui est donc le producteur et l'instigateur de ce projet, de parler de ce film en mode non, mais moi j'ai voulu faire un mélange de genres, un mélange un petit peu hybride entre un truc un peu old school et un truc plus récent. Non, mais ton film c'est une bouse, il faut juste l'accepter. L'entendre parler du charisme de Gérard Lanvin, ça m'a fait doucement rire, je dois dire. C'était un peu belge là. Pour répondre. Ça, je dois dire, ça m'a fait doucement rire. Un peu belge excessif quand même. C'est pas ma cam. Ah, oui. Vas-y. Allez-y. Alors en fait, c'est que du coup, c'est lié au confinement, tu vois, et c'est un peu une identification à Neo dans la matrice où elle se sent enfermée, tu vois, et sait qu'il y a une réalité au-delà des murs de son appartement. Et que du coup, elle cherche un moyen de pouvoir s'enfuir. C'est pour ça que la thématique de Matrix revient tout le temps. Oh la vache. Bravo, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça fera 65 euros, voilà. On a un deuxième rêve, hein, c'est Madame Mona qui nous dit « J'ai rêvé que j'étais une witch, sauf qu'on se retrouvait à tuer des ennemis et donc à cacher 3 cercueils dans les champs derrière chez moi. J'étais un peu ingénieur logistique et on s'en sortait pas mal. Sauf qu'un fermier est arrivé et il a commencé à nous faire du chantage. Il nous a balancé quand j'ai complètement changé de rêve. » Ok. Je me suis retrouvée avec un groupe d'amis que je ne connais pas en vrai. On marchait tranquillement dans la rue et je me suis mise à faire des super bons. Je volais presque, donc j'étais contente. Sauf que mes potes me regardaient trop mal et ils me disaient que j'allais pas bien, que j'étais une grosse droguée. Et en fait, ils avaient raison, je volais pas du tout en vrai. Je sautais juste partout en croyant que je volais parce que quelqu'un avait mis de la drogue dans mon milkshake. Voilà. Oui, bah c'est un samedi soir classique, quoi, j'ai envie de dire. Alors... Mais déjà au début j'ai cru qu'elle avait dit j'étais une witch. Non, elle était une witch. Elle était une sorcière donc. Bon la sorcière. Alors là, franchement, pourquoi? Ouais, peut-être qu'il faut arrêter le sirop pour la toux à ce moment-là avant de se coucher, je sais pas. Peut-être que vous vous sentez coupé de vos énergies. De sorcière, Madame Mona, et qu'il faut vous reconcentrer avec la terre. En tout cas, il y a cette idée quand même de gens qui vous contiennent, quoi. En tout cas, qui vous jugent, qui ne vous laissent pas prendre votre envol. Il y a un truc comme ça, quoi. Voilà. Tout se passe bien avec vos parents, Mona? On pourra en parler en privé sur une antenne qu'ils n'écoutent pas. En tout cas, waouh, ce rêve est incroyable. Il est dense. Oui, il est très très dense. On va l'analyser plus longuement parce que là, il y a de la drogue dans les milkshakes. Vous enterrez des morts aussi quand même. Hein. Faut qu'on en parle. Il y a l'ingénieur logistique, quoi, je veux dire. Et il y a un fermier qui fait du chantage. Qui est ce fermier qui vous fait du chantage? Damien, vous avez une... Doug, pardon, vous avez une analyse? Là, j'avoue que je suis un peu pris de court, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, et c'est sûr que déjà, il y a deux phases, donc je pense que c'est un peu deux états d'esprit différents. Et moi, je suis plutôt d'accord avec la théorie de Kéman hein, sur l'envie de s'envoler, mais qui n'est pas concrétisé. Par contre, sur le chantage, c'est pas trop. Le chantage, c'est un peu, je pense, c'est la clé du mystère. Ouais, et pourquoi un fermier? Mais oui, c'est ça. Alors, Madame Mona nous précise, oui, tout se passe bien, je suis toujours la prunelle de leurs yeux, et ils sont fiers de moi, même quand je traîne en boubou toute la journée, donc ça va. Nous sommes rassurés, on était à deux doigts d'envoyer une équipe de déminage. Alors, peut-être l'agriculteur qui vous fait du chantage, est-ce que vous mangez trop de légumes en ce moment et ça vous saoule? Peut-être que vous avez envie de manger des trucs gras. Voilà. J'étais une witch additionnelle avec les saints autres. Ah, witch par rapport witch au dessin animé. Ah ouais, putain, moi j'étais en mode witch, les wiccans, une sorcière, ok. Tu vois, les trucs. Attends, les witch, elles sont comment hein? Moi j'ai pas la référence. Moi j'ai pas du tout la référence. J'ai Totally Spies là comme ça. Est-ce qu'une witch additionnelle, c'est un peu comme Albert, le cinquième mousquetaire? Ouais, ça a l'air d'être un truc comme ça, quoi. Ou le numéro complémentaire au loto, quoi. Le 2. Donc j'espère que vous avez eu le temps avec tout ça de vous connecter à la page Facebook de la radio des bons cons pour ouvrir le dernier post de la radio qui est, je le rappelle, une photo et ben de la maman hein, de Madame Mona, Pascal Despasco. Ah oui, la dédicace. Et d'ailleurs, cette famille clairement est au cœur de notre matinale puisque... Si je peux me permettre, on envoie juste un petit message à Joseph Goldwyn Mayer qui avait aussi remporté hier et qui par fair play puisqu'il avait remporté la veille... a choisi de laisser sa dédicace, voilà. Et ça on apprécie. Et donc, c'est Pascal Père, hein, Pascal Père des Pasco, qui a gagné, qui nous a donc envoyé cette dédicace. Je la lis pour vous. Coucou, il paraît qu'on a le droit à une dédicace matinale. Alors on voudrait dédier cette matinale à Madame Mona, notre fille d'amour, notre amour de fille, qui depuis 2 semaines ensoleille notre confinement, qui depuis 24 ans ensoleille notre vie. La force et la confiance soient en toi, Mona. Merci, bisous, Pascal et Pascal. C'est beau, on aime l'amour, nous. Hein. Envoyez-nous des dédicaces comme ça, là, qui sentent bon l'amour et l'eau fraîche et... Et le romarin. Et le romarin et le thym et le basilic. Alhamdoulilah, comme on dit chez moi, excusez-moi. Bon. Et bah, c'est parti pour le film que vous avez vu hier. Laissez-moi deviner, c'était une fresque sociale. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Donc, j'ai vu un film hier soir. C'était une fresque sociale, mais genre sociale méga large, méga étendue, c'est-à-dire pluri-universelle. C'est-à-dire que là, c'était plus Black Blanc Beurre comme on a eu le jour d'avant, c'était pas Vincent Cassel, c'était pas les Arabes dans la banlieue, nanani nanana. Là, on était carrément sur de l'intégration méga large, grand remplacement, interplanétaire. On était sur un jeune mec comme ça, qui vit pépouze, et là, bam, il rencontre un individu venu de méga loin, mais vous, méga loin, comme d'hab, c'est ce genre de moment, il y a toujours cette phase dans tous les films de fresques sociales, de divergence, de rencontre de l'autre, il y a toujours cette phase de Neuilly sa mère. Yes. Il y a toujours cette phase de... Il y a toujours... Non, ce n'est pas Neuilly sa mère, bien tenté. Il y a toujours cette phase de... quand quelqu'un vient de loin, au départ, on rit des différences de l'autre, on essaye de l'intégrer, on essaye de comprendre, on essaye de... Et puis finalement, après la phase où on se moque de lui, ça tourne autour d'aliments, hein, de bouffe, de trucs comme ça, de... Et puis au départ, on en rit, au départ, on se moque, au départ, on a le petit sourire un petit peu mignon. Non, mais ça sert à rien de le répéter plein de fois. Ah oui, d'accord, c'était parce que la ponctuation était bonne. Ouais, non, mais on a des propositions, mais on touche pas encore au but. Hein. Oh dame, je vais quand même continuer, mais on touche au but, effectivement, là. Donc ouais, au départ, on s'appréhende, on se moque, on rigole, et finalement il y a un lien qui se crée et on veut rendre service à l'autre, on veut se découvrir. Alors la barrière, toujours la barrière, c'est la barrière du langage. Alors c'est un peu compliqué quand il parle là, parce que quand il parle c'est toujours des petites interjections, enfin il parle en onomatopée. Et... Je vais pas le faire pendant. Et bon, moi ça m'a un peu perdu parce que je me suis dit, mais pourquoi il parle comme ça Jacques Villeray dans sa combi jaune? Je me suis dit, mais... Et puis l'autre, il fait le... de finesse, il fait le choqué là, mais c'est quand même... Tout le monde a reconnu que c'était Jacques Villeray. Je veux dire, il peut pas venir d'une autre planète, le mec il a la même gueule que lui, il est juste en lycra moulant jaune quoi. Donc à un moment ça m'a énervé, je vous avoue, puis j'ai arrêté quoi. Donc bien tenté hein les gens, vous êtes E.T. Oh, Neuilly sa mère, j'apprécie pour l'humour hein. Mais évidemment c'était la soupe aux choux et on a encore un vainqueur, alors voilà. Décidément, est-ce Mona ou ouais. Est-ce c'est clairement Papin Rotorpère. C'est Mona, c'est Madame Mona, c'est elle, hein. La famille Gendry est au taquet. Ah, mais bon, on va finir par l'envoyer une corbeille de fruits, je sais pas, quelque chose, mais merci, c'était la soupe aux choux, effectivement. Le Neuilly sa mère m'a tué, par contre. Mais hein. C'était une bonne idée. Oui, bah, bien sûr. Mais par contre, vu le début, je vois pas, à part fresque sociale. Oui, c'est ça, mais faut s'arrêter à fresque sociale. Hein. De toute façon, moi je regarde que ça. Oh, waouh. Ou peut-être que j'ai tendance à tout voir comme une fresque sociale. L'avenir nous le dira. En tout cas, envoyez-nous votre dédicace pour demain, vainqueur du jour et du lendemain, et peut-être la semaine prochaine. Ah bah non, c'est lundi, on se voit lundi. Ils sont très très forts quand même, hein. Je tiens à le dire, bravo, vous êtes très très forts, vous êtes au taquet, ça fait plaisir. Bravo. Bon, nous on va aller semer une petite clope et on va partir en week-end pépouze. Oui, oh là là, on va pas avant lundi, quoi, il y a la Rouxière tout seul. Non, justement, on va aller fumer des clopes et boire de la tisane. Douglas, c'est quoi votre programme du week-end à Aix? Je vais finir de me remettre de mes excès d'hier. Mmh. Et puis, on va faire d'autres excès ce week-end, je pense. sinon, je vais essayer de faire de la musique tranquille. Mmh. Je pense que c'est un bon programme, ça. Ouais, vous travaillez sur quel morceau en ce moment? Comment ? Vous êtes sur quel morceau là actuellement ? Quand je fais de la batterie là, en ce moment, je fais pas mal de rock. Donc, comme je vous en ai parlé hier, je joue sur Helicopter de Block Party. Oui. Et sinon, là, sur ce que j'essaye de composer, on est plus sur du dub. Boum, tchaka, tchaka, tchaka, tchaka. Est-ce qu'on aura le droit à une nouvelle chronique Rasta confiné. Rasta chez vous. Il y en a une, hein, c'est Rasta à la maison. Hein. Ah voilà, mais voilà. Et je tenais juste à dire qu'il y a quand même un des dictons du 3 avril, c'est le 3 avril, le coucou chante, mort ou vif. Et je sais pas si je dois le prendre comme une menace ou une lueur d'espoir. Alors, c'est José qui nous a dit ça, il faut avoir une pièce dans votre poche, n'importe quelle pièce, hein, on s'en fout. Dans votre poche et vous allez dehors et vous essayez d'entendre le coucou. Si vous l'entendez, normalement vous allez avoir de la chance au niveau argent. C'est la première fois normalement, le premier cri du coucou que vous entendez. Ce qui est déjà quand baise. Vous parlez d'une pièce, vous parlez genre de la salle de bain ou... Non, oui, exactement. Je parle exactement. De 10 centimes par exemple. Ah. Je parle de 50 vidéos, cents. Bon. Je trop pété de thunes. Bon, sur ce, on se dit bon week-end. On se retrouve lundi matin. Rappel, rendez-vous sur la radio à partir de 13h, ensuite 16h. Et sinon, vous retrouverez demain matin la grâce matinale d'Ophélie à partir de 11h. Et voilà. Et donc, on va se quitter ce week-end avec notre classique Philippe Catherine, Francis et ses peintres. Philippe Catherine qui est presque nantais, puisqu'il est vendéen. Et ça, c'est une phrase que je ne dirai pas très souvent, parce que la plupart de mes potes vendéens, j'ai tendance à dire qu'ils ne sont pas tellement nantais, mais... Mais faisons c'est juste une parce exception. Que c'est Philippe voilà, Catherine, c'est parce que c'est Philippe Catherine qu'on peut croiser de temps en temps dans les belles rues de notre ville. On s'écoute et j'attends. Donc encore une reprise de l'album 50 reprises dans l'espace et on se dit à bon week-end. Les besos. Besos, besos. devrais-je partir pour que l'on puisse m'attendre? Je peux trouver des armes pour que je puisse me défendre. À te dire vrai, je veux aller là où l'espoir est né. Mon envol loin d'ici, l'idée m'envahit. J'ai l'envie dans mon âme, je vous en témoigne. Prends conscience de mon manque, tout l'air est à moi. Où je reste ici, où je meurs. Et j'attends, et j'attends, j'attends que l'espoir prenne mon temps, bébé. J'attends toujours le bus qui me mènera vers d'autres images. Et j'attends, je t'attends, ce qui changera mon présent, bébé. Je n'attends que le bus qui me mène vers là où je peux espérer, bébé. Si le destin vous offre encore de quoi vous combler, c'est que le peu que vous ayez puisse encore vous aller. Je veux marcher sur toutes les roses qui n'ont pas fané. À vous dire vrai, je veux aller là où l'espoir est né. Mon envol loin d'ici, l'idée m'envahit. Mon attente par ici, le temps me sourit. Je vous vois sans mépris, un jour embelli. Où je reste ici, où je meurs. J'attends que l'espoir prenne mon temps, baby. J'attends toujours le bus qui me mènera vers d'autres images. Mais j'attends, je t'attends, ce qui changera mon présent, baby. Je n'attends que le bus qui me mène vers là où je peux espérer, baby. Et si l'on croit que le temps n'y est pas, que l'attente est trop longue, que la chance se fera. Destin voit de lui-même, je peux rester là afin de pouvoir tout oublier. J'attends et j'attends, j'attends que l'espoir prenne mon temps, bébé. J'attends toujours le bus qui me mènera vers d'autres images. Mais j'attends, je t'attends, ce qui changera mon présent, bébé. Je n'attends que le bus qui me mène vers là où je peux espérer, bébé. La radio des bons cons, la radio des bons cons finis, mais pas finaux, la radio des bons cons.